La dégustation. Méthode. Analyse. Commentaire. Joël Lecoq. École du vin. Vinésime. La dégustation. La dégustation est l'appréciation par la vue, le goût et l'odorat des qualités d'un vin. On l'appelle aussi examen organoleptique ou analyse sensorielle. On distingue quatre phases dans l'acte gustatif. L'observation au moyen des sens, la description des perceptions, la comparaison par rapport à des normes connues et le jugement justifié. Toutes les personnes sont aptes à déguster. Pour que la consommation devienne dégustation, il ne suffit souvent que d'un effort d'attention et d'analyse des impressions. Le plus difficile, c'est la description des sensations reçues, suivie d'un avis motivé. Le dégustateur doit savoir exprimer ce qu'il ressent en termes clairs et être capable de formuler une opinion ou un jugement. On peut néanmoins différencier plusieurs types de dégustation, notamment la dégustation technique et la dégustation hédoniste. La dégustation technique. La dégustation technique tend le plus possible vers l'objectivité. Pour cela, le dégustateur se conforme à un protocole sous forme de fiche de dégustation qu'il remplit point par point. Le plaisir est alors secondaire. La dégustation hédoniste. La dégustation hédoniste poursuit un tout autre but, où le plaisir se taille la première place. Il s'agit, lors de la dégustation d'un vin, d'en tirer la quintessence, de boire peut-être de façon plus triviale. En conséquence, l'apprentissage, si l'on veut qu'il soit le plus complet possible, doit mêler judicieusement ces deux aspects et déboucher à la fois vers un acquis technique, mais aussi culturel. L'acquis technique, c'est la maîtrise de la dégustation analytique qui devient à l'usage naturel. L'acquis culturel exige un apprentissage plus long. Il suppose la connaissance des appellations, l'influence du millésime et du terroir, mais aussi la découverte de la pâte du vigneron qui sait exploiter à la fois le climat, le cépage, le sol et les techniques de vinification. La dégustation du professionnel peut proposer plusieurs buts. Suivant les cas, elle peut être simple et limitée, détaillée et complète, rapide ou approfondie. On peut goûter pour déterminer le type d'un vin, pour évaluer sa qualité, pour évaluer sa valeur marchande, reconnaître son origine, pour comparer des vins entre eux, suivre leur développement, déterminer l'effet d'un traitement, exécuter un assemblage, etc. Les vins étant aussi divers, aussi variés que les hommes eux-mêmes, seule une longue pratique alliée à une bonne mémoire permet de pénétrer réellement dans l'imaginaire du vin et de savourer un plaisir épicurien. Technique de dégustation. Le verre est le seul outil dont use le dégustateur, mais d'autres conditions sont indispensables. Les unes concernent le dégustateur lui-même, les autres le milieu où se déroule la dégustation. Pour bien apprécier un vin, il faut être en bonne condition physique. Une personne enrhumée ou grippée en est en grande partie incapable. Il faut un palais frais, ne pas avoir mangé de plats relevés, du chocolat, de la menthe, ne pas avoir bu de boissons fortes, ni avoir fumé. On ne déguste jamais mieux que vers 10 heures du matin, après avoir bu une tasse de thé. Le lieu importe tout autant. Une pièce éclairée, naturellement aérée pour chasser toute odeur parasite, des murs clairs, une table et une nappe blanche forment un endroit propice. Il va de soi que les parfums, les odeurs de tabac ou de cuisine seront bannis. Toutes ces considérations s'appliquent à la salle à manger où l'on veut dîner et boire des vins dignes d'estime. Pour les expertises techniques, le local normalisé doit être silencieux, maintenu à une température de 20 à 22 degrés et à une humidité de 60 à 70%. Le verre de dégustation doit répondre à des critères bien définis qui ont été mis au point par des commissions de spécialistes de l'Institut national des appellations d'origine, Inao. Ce verre parfait et surtout universel, conforme aux normes, a été adopté dans le monde entier. En verre incolore de faible épaisseur, il convient aussi bien au champagne, aux mousseux, aux vins de toutes couleurs qu'aux porto et autres vins vinés, aux eaux de vie. Sa forme en tulipe, d'exactes proportions, permet tout à la fois un emprisonnement des arômes, du bouquet, et des échanges oxygénation-oxydation avec l'air ambiant. L'aspect visuel. Le verre sera observé sur un fond blanc. Les premières constatations intéressent l'œil. C'est l'examen visuel. Il est rare de nos jours que les vins présentent des défauts repérables seulement par la vue. Néanmoins, toute dégustation comporte d'abord l'examen de la limpidité, de la couleur et de la texture. La limpidité. L'observation se fait d'abord sur le disque, surface supérieure du vin dans le verre. Il doit être examiné en vue plongeante et en vue latérale. La surface du disque doit être brillante, exempte de toute poussière et de toute matière solide. Un disque mat est presque toujours le fait d'un vin malade. L'examen latéral permet de déceler la présence éventuelle d'éléments à tendance colloïdale qui compromet souvent l'évolution du vin, le rendant pour le moins louche. Le repérage de dépôts au fond du verre ne présente aucun caractère de gravité. Il s'agit généralement de cristaux insolubles de bitartrate de potassium, signe que le vin a subi un coup de froid après sa mise en bouteille sans qu'une précipitation n'ait été faite auparavant. Vocabulaire relatif à la limpidité. Limpide, brillant, trouble, louche, voilé, opaque, floconneux, etc. La couleur. On apprécie la robe d'un vin pour sa teinte et son intensité. Ces deux éléments, qui se modifient avec l'évolution ou le vieillissement du vin, sont souvent révélateurs de son état et de sa qualité. Pour les vins rouges, la teinte de la robe permet généralement de situer la concentration du millésime, d'évaluer leur âge, et parfois de déceler un vieillissement excessif. La robe des vins blancs, qui passe du jaune clair au bronze, apporte les mêmes informations relatives à leur évolution. En opposition à la profondeur d'une couleur, on parlera de transparence. Celle-ci dépend de la variété du cépage, de la maturité du vin, de l'acidité du vin. En effet, plus un vin est acide, plus il sera transparent. Vocabulaire relatif à la couleur et à l'apparence. Pour les vins blancs. Incolore, jaune. Jaune pouvant être associé aux mots pâle, paille, citron. Vert, vert doré, vert foncé. Or, puis or blanc. Et les nuances or pâle, or vert, or rouge, or bronze. S'ils sont encore plus vieux, topaze, topaze brûlé, madérisé, ambré, brun, caramel, acajou, noir. Pour les vins rosés. Gris, clairé, œil de perdrix, rose violet, etc. Et quand ils vieillissent, rose jaune, rose orangé, roux, pelure d'oignon, rose saumon. Pour les vins rouges. Clair, violacé, foncé, grenat, rubis, vermillon, pourpre, noir, et quand ils vieillissent, bisque, orange, tuilé, marron. Ce vocabulaire concerne les teintes et les nuances. Or, celles-ci peuvent être plus ou moins intenses. On ajoutera donc que ces robes peuvent être profonde, soutenue, dense, riche, ou au contraire, légère, pauvre, faible. La description de la teinte d'un vin prend souvent en compte une évaluation de son âge, qui peut être précisée davantage en ajoutant les qualificatifs suivants. Vive, fraîche, franche, nette, typique, ou au contraire, défraîchie, évoluée, passée, usée, oxydée, madérisée. La texture. En coulant le long du verre, le vin forme des larmes ou des jambes. Cette viscosité est due à la présence de glycérol et de sucre résiduel. Il faut noter que la présence de ces larmes ne garantissent aucunement l'équilibre ou l'harmonie d'un vin. Vocabulaire relatif à la texture. Aqueux, liquide, fluide. À l'opposé, gras, sirupeux, pleurant. Les termes huileux, visqueux, épais décrivent des vins malades. L'aspect olfactif. Le nez peut recenser 400 000 nuances différentes, sans compter celles créées par la chimie. Sa sensibilité est 10 000 fois supérieure à celle du palais. L'arôme constitue donc la plus grande partie des stimuli sensoriels. Pendant un rhume, l'absence d'odeur nous rend maussades. L'arôme d'un vin n'est pas simple, comme celui d'une fleur ou d'un fruit, mais très complexe, composé de juxtapositions de différentes composantes. Les arômes nous parviennent par deux voies, flairage direct, voie rétronasale, appelée aussi rétro-olfaction. Les dégustateurs ont l'habitude de classer les arômes en trois catégories, les arômes primaires, les arômes secondaires, les arômes tertiaires. Les arômes primaires sont ceux qui rappellent le fruité du raisin. Ils sont directement liés à la variété du cépage, muscat, gewurztraminer, sauvignon. Les arômes secondaires, parfois dits fermentaires, sont issus de la fermentation, donnant des composants qui n'existent pas directement dans le mou. Ces arômes dépendent de la nature des mous, cépages, terroirs, des levures et de la conduite des fermentations. Les arômes tertiaires n'apparaissent que lors du vieillissement en fût, milieu oxydatif, ou en bouteille, milieu réducteur. L'olfaction directe. Intensité et premier coup de nez. Les molécules aromatiques sont volatiles, c'est-à-dire qu'elles passent en phase gazeuse. Ce phénomène dépend de la molécule, de la température et de la composition générale du vin. Lorsque la surface du vin est immobile, ce sont les molécules les plus volatiles et les plus odorantes qui sont perçues. Le premier coup de nez est souvent très différent des suivants. En agitant le vin, vous oxydez les composants et modifiez, parfois rapidement, les molécules, donc les odeurs. Vous permettez aussi à d'autres molécules de passer à l'état de gaz et d'atteindre votre nez. L'intensité aromatique sera exprimée en termes de force ou de faiblesse. Vocabulaire relatif à l'intensité. Les mots les plus utilisés sont les suivants. Nul, faible, petit, pauvre, court, fermé, moyen, normal, fort, riche, développé, intense, ample, généreux. Peuvent se rajouter des caractères de jugement. Ordinaire, vulgaire, sans intérêt, simpliste, banal, ou au contraire, raffiné, fin, racé, sophistiqué, complexe. La diversité des arômes et des odeurs. Cette phase de l'exploration olfactive, appelée également deuxième nez, débute par un geste bien connu. Le dégustateur imprime au verre un mouvement de rotation afin d'oxygéner le liquide et d'accélérer les processus d'oxydation. L'oxygénation, ou aération, a pour effet de révéler les constituants aromatiques. On dit que le vin ou le nez s'ouvre. À ce stade de la dégustation, quelques remarques s'imposent. L'apparition des arômes tertiaires permet d'augurer la dégustation d'un vin de qualité. Il peut arriver qu'un vin soit fermé, terme caractérisant un vin qui n'a pas encore atteint un stade évolutif qui lui permet de s'exprimer. Il appartient au dégustateur de déterminer par l'examen en bouche si le vin ne présente que peu d'intérêt. De grands vins bus trop jeunes sont parfois difficiles à situer. Vocabulaire relatif aux odeurs et aux arômes. La description des types aromatiques est essentielle. Le vin ne se définit jamais par un seul composant aromatique, fût-il dominant, mais par une somme. Par commodité, on a cherché à classer les odeurs en 8 catégories principales. Les odeurs animales. Gibier, venaison, faisandé, viandé, musc, pipi de chat, fauve. Les odeurs balsamiques. Toutes les résines, genièvre, térébinthe, vanille, pain. Les odeurs empyrématiques. Tout ce qui est sec, torréfié, fumé, grillé, pain, amande, foin, paille, café, cacao, bois, goudron. Les odeurs chimiques. Alcooleux, acétone ou vernis à ongles, acétique, phénolé, mercaptan, soufré, lactique, iodé, oxydé, levure, ferment. Les odeurs épicées. Toutes les épices, mais le plus souvent clou de girofle, laurier, poivre, cannelle, muscade, gingembre, romarin, truffe, réglisse, menthe. Les odeurs florales. Fleurs fraîches ou séchées, violette, aubépine, rose, citronnelle, jasmin, iris, géranium, acacia, tilleul. Les odeurs fruitées. Tous les fruits frais, cassis, framboise, cerise, fraise, groseille, pruneau, poire, pomme, coing, abricot, banane, pamplemousse, mais aussi des fruits secs, figues, amandes, noisettes, noix. Les odeurs végétales et minérales. Herbacées, foin, feuilles mortes, champignons, truffes, paille humide, terre humide, sous-bois, craie, fougère, feuilles vertes. La rétro-olfaction. En bouche, le vin se réchauffe et les molécules, qui n'avaient pas encore pu se volatiliser, peuvent le faire. Nouvelles sensations qui seront accentuées en faisant circuler de l'air à travers le vin. On appelle cela grumer. La rétro-olfaction permet également d'observer le phénomène de persistance aromatique intense, PAI. La durée de la PAI, le temps pendant lequel vous ressentez encore les sensations olfactives après avoir avalé ou recraché le vin, est un critère d'évaluation de la qualité d'un vin. On la mesure en caudalie, une caudalie correspondant à une seconde. Le mécanisme de la rétro-olfaction est le suivant. Les muqueuses, après avoir été alertées directement par voie nasale, le sont de nouveau lorsque le vin est dans la bouche. C'est sous forme de vapeur que les éléments aromatiques excitent l'un ou plusieurs des 50 millions de cils olfactifs. Caractère du nez d'un vin. Qualité de l'odeur. Positive. Fin, racé, élégant, séveux, fruité, mûr, fleuri. Négative. Commun, marqué, végétal, herbacé. Intensité de l'odeur. Positive. Odorant, parfumé, aromatique, développé, bouqueté. Négative. Fade, pauvre, neutre. Altération. Sans. Net, sain, franc, droit. Avec. Douteux, malade, altéré, piqué, assaissant, sûr, butyrique, lactique, tourné. Défaut organoleptique. Oxydation. Fatigué, mâché, battu, éventé, oxydé, cuit, brûlé, rancio, madérisé, aldéhidifié. Pourriture. Pourri, phénol, iodé, moisi. Logement. futé, boisé, sec, résiné, moisi, rance, champignon, végétal, goût de bouchon. Erreur de manipulation. Anhydride sulfureux, hydrogène sulfuré, mercaptan, croupi, putrique. Accident. Odeur de pétrole, caoutchouc, solvant, goudron, papier, tissu, terre, poussière, ciment, cuivre, métal, géranium. La bouche. Les saveurs. Les saveurs donnent la structure de base, et contrairement aux arômes, lorsqu'elles sont en mélange, elles gardent leur individualité. Elles ne sont pas perçues simultanément, mais successivement. La langue ne perçoit en tout et pour tout que quatre saveurs. Le sucré à la pointe de la langue, le salé latéralement un peu en arrière, l'acide sur les côtés, l'amer au fond. Au début dominent les sensations de sucrosité, moelleux, puis acide, et ensuite amer s'il y a lieu. Aucune sensation ne doit être trop forte ou trop faible pour créer un équilibre. Sucrosité. Alcool, glycérol, sucre. Le sucre, mais aussi d'autres substances à saveur sucrée comme le glycérol ou l'alcool, apportent au vin de la douceur qui contribue à l'équilibre gustatif. Quand ils sont présents en quantité importante, les sucres participent aussi à la rondeur, à la consistance du vin, en augmentant sa viscosité. Acidité. Cette saveur participe à l'équilibre des impressions gustatives. De plus, un minimum d'acidité est souhaité dans les vins, et plus particulièrement dans les vins blancs, pour lesquels on recherche souvent une certaine vigueur, ainsi qu'un caractère désaltérant auquel elle contribue. C'est surtout le cas des vins blancs jeunes très secs, pour lesquels on va jusqu'à rechercher une certaine fermeté, qui ne doit cependant pas être excessive. Tous les acides présents dans le vin n'ont pas la même force et ne donnent pas la même impression gustative. L'acide tartrique donnera une impression de dureté, l'acide malique de verdeur, l'acide citrique de mordant, l'acide lactique d'aigre doux. L'acide succinique sera peu acide, amer, salé. Amertume. L'amertume des vins n'est pas systématiquement considérée comme un défaut gustatif, mais le devient dès qu'elle est dominante. Réaction affective de déplaisir, tanins oxydés, procédés d'extraction trop brutaux, raisins peu mûrs. Salé. Sensation totalement masquée par l'alcool. Pourtant, 2-3 grammes par litre de sel permettent de jouer un grand rôle dans la saveur. Sensation d'ordre chimique. Astringence. Elle se traduit par un dessèchement de la bouche. Cette sensation est due en partie à une dénaturation de la salive par les tanins, qui perd son pouvoir lubrifiant, d'où l'impression de bouche sèche. Il est important de bien différencier l'astringence, qui se traduit par l'impression de bouche sèche, de l'acidité, qui se manifeste plutôt par une sensation d'irritation de la bouche, et plus particulièrement de la langue et des gencives. Ardeur calorifique. C'est une sensation support. Cette sensation varie en fonction du rapport alcool-acide. Si ce rapport est important, le vin semble chaud, brûlant. S'il est faible, le vin semble froid. L'alcool inhibe les récepteurs du froid. La menthe inhibe les récepteurs du chaud. Persistance. Cela correspond aux impressions gustatives qui persistent en bouche plus ou moins longtemps après le rejet du vin. Par la suite, elles s'estompent progressivement puis disparaissent. Par ailleurs, toutes les perceptions gustatives de fin de bouche ne sont pas obligatoirement agréables et peuvent alors influencer défavorablement la fin de dégustation. Amertume. Cette persistance est directement liée à la constitution des vins, à leur richesse. Elle s'apprécie en seconde ou caudalie. Intensité du prolongement très faible. Vin très court, sans prolongement. Durée de la persistance 0 à 3 secondes. Intensité du prolongement faible. Vin court, fugace. Durée de la persistance 4 à 8 secondes. Intensité du prolongement moyenne. Vin de prolongement correct. Durée de la persistance 9 à 12 secondes. Intensité du prolongement élevée. Vin long, épanoui. Durée de la persistance 13 à 16 secondes. Intensité du prolongement très élevée. Vin très long, qui finit en queue de paon. Durée de la persistance plus de 16 secondes. En pratique. Quelles que soient ses origines, on recherche toujours dans un vin l'équilibre des saveurs. La sucrosité et l'acide se masquent. Le tanin et la sucrosité se masquent. L'ardeur calorifique est masquée par l'acidité. Le tanin renforce l'acidité. Le CO2 et le tanin se renforcent. Le chaud masque les tanins, le froid les active. Ainsi, plus un vin sera tannique, plus il devra être servi à température chambrée. Exemple, un Bourgogne rouge pourra être servi aux alentours de 16 degrés, alors qu'un Bordeaux rouge, plus tannique, appréciera d'être servi à une température un peu plus élevée. Synthèse. L'harmonie d'un vin est liée à un équilibre à la fois des impressions olfactives et des impressions gustatives proprement dites. Il suffit qu'un seul des caractères des vins domine nettement la dégustation pour que son harmonie soit rompue. Lorsqu'un vin obtenu dans la zone géographique considérée correspond aux critères gustatifs reconnus par la profession pour ce type de vin, on dit alors qu'il en a la typicité. Cependant, cette notion est assez abstraite. En pratique, c'est bien souvent l'usage qui la consacre. La difficulté est encore accentuée par la variabilité que peut subir un vin selon le millésime. L'harmonie d'un vin intéresse l'ensemble des sensations, couleur, nez, bouche. Pour les vins blancs, on recherche l'équilibre entre le moelleux et l'acidité. Pour les rouges primeurs, l'acidité et la discrétion des tanins doivent équilibrer la sucrosité. Pour les rouges de garde, le moelleux est équilibré par les tanins à relief et acidité discrète. De cette harmonie, de cet équilibre, le dégustateur pourra classer le vin dans différentes catégories, d'après le seul agrément gustatif et en dehors des classifications habituelles reposant sur l'origine ou le prix. Premier groupe. Le vin boisson, bu sans être goûté, consommé en fonction de l'habitude, défini par les professionnels par l'expression « sans vice ni vertu ». Deuxième groupe. Le faux bon vin, qui peut être de grande origine, élevé selon et qui ainsi fait parfois illusion. Il présente des défauts généralement techniques. Pour les vins rouges, dureté, astringence, acidité, volatile, etc. Troisième groupe. Le bon vin, net, bien structuré, coulant, simple mais agréable et facile à boire, généralement consommé jeune, à saveur de fruits, parfois à arôme fleuri. Quatrième groupe. Le grand vin, œuvre d'art, complexe, personnel, riche en principes sapides et odorants, échappant à la description et d'autant plus attachant à déguster.